que... Donc là, on va vous proposer un petit atelier histoire de briser la glace. Hein. C'est un atelier que j'ai appelé Clé Primal. En fait, il découle de l'idée que il y a vraiment une question du rapport à l'animal dans mes veaux, quoi. Parce que les animaux ont un petit peu, à la limite, ont un peu repris le pouvoir, quoi. Ils sont très, très présents. La plupart du temps, ils vont surtout se manifester par leurs cris, quoi. C'est-à-dire qu'on va pas tant les voir que les entendre la plupart du temps. Quand je fais du jeu de rôle dans Millevaux, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de travailler, que je ne veux pas me contenter de dire vous entendez un hibou, quoi. Il faut que je fasse le cri du hibou, quoi, pour que ce soit plus charnel, quoi, plus présent, quoi. Je pense que si on fait du GN Millevaux, il faut aussi pouvoir travailler cette animalité. Ne serait-ce que si tu joues un PNJ et que tu fais les animaux qui sont autour du campement des PJ, quoi, des PJ des personnages. Ou si tu joues un personnage qui a en fait la pente naturelle des humains à Millevaux, enfin c'est à cause de l'emprise, c'est de devenir des animaux en fait. C'est vraiment un risque important, quoi. Et en fait, on pense même que l'humanité, à plus ou moins bref échéance, est condamnée à retourner à l'animalité. Donc il n'est pas rare d'incarner un personnage qui lui-même a déjà des traits animaux et qui, par exemple, pourrait justement crier comme une bestiole, quoi. Je pense que c'est un exercice de lâcher prise intéressant. Donc l'idée, c'est que chacun un tour de rôle, on va faire un cri d'animal. On va peut-être faire trois rondes comme ça. Et puis à la fin, on fera une espèce de cœur bestial, anarchique. Je pense que ce qui est important, c'est de... Bon, on se fout du ridicule. De toute façon, enfin, on va être ridicule. Moi, quand je fais des cris d'animaux, je suis hyper ridicule. On s'en fout que ce soit crédible, hein, à la rigueur. Hein. Ce qui est important, du coup, c'est... de pas casser les effets de l'autre. Enfin, si quelqu'un fait un cri d'animal que vous trouvez chelou ou que... Vous moquez pas de son cri, parce qu'en fait c'est aussi, il faut aussi travailler sa réception, quoi, en quelque sorte, quoi, hein, je veux dire, en tant qu'écouteur, t'as autant de taf à faire que celui qui produit le cri. Voilà. Alors j'ai autant de trac que vous. Ça doit être un animal qui existe, ou c'est n'importe quelle bête Je t'en fous, en fait. Okay. Ouais, ça doit être bestial, mais effectivement, si tu fais un truc complètement random. Concernant le track, de toute façon, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a aucun enjeu. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit échauffement du diaphragme et des cordes, ouais, pour ne pas se faire trop mal? Oui, d'ailleurs, j'allais ajouter un truc aussi, c'était que l'objectif de cet atelier, c'était pas de crier fort. C'est-à-dire qu'on fait des bruits d'animaux, mais on peut sous-vocaliser, c'est pas du tout. On n'est pas là pour crier, donc de toute façon, on va faire ton atelier, c'est très bien de proposer. Mais de fait, on va pas non plus le faire dans l'atelier. D'accord, mais c'est vraiment les sons que j'avais cherchés, je pense qu'ils sont assez forts, du coup, de me chauffer un peu. Alors, pour commencer, on va juste faire du souffle, en fait. Vous faites un tenu et vous partez du côté que vous voulez. Vous imaginez une ligne, en fait, et vous essayez de tenir votre souffle le plus longtemps possible. Si vous arrêtez là, vous arrêtez là. Et le but, en fait, c'est de faire passer l'air partout. Donc, c'est de souffler quand on tourne. C'est clair. Tu le fais une fois, justement. Ouais, donc... Je vais le faire aussi en retour, donc vous pouvez le faire. En même temps, vous faites ces exercices, vous massez le diaphragme, parce que ça détend. Ça réchauffe en même temps, cette zone-là. Maintenant, on va faire des petits comme ça. Ça, parce que ça chauffe un peu, mais en douceur. Voilà, pas trop s'épuiser. Alors là, vous faites passer l'air tout doucement et ça va faire ce son. En fait, c'est vos cordes qui se frottent, en fait, qui se massent entre elles. Ça les réveille. Pensez à bien reprendre votre souffle quand vous en avez besoin. Maintenant, c'est bouche fermée et là vous mâchez le son, vous le faites passer un peu comme vous voulez, dans la gorge si vous voulez, dans le nez, et vous faites des AOI au U, mais à l'intérieur quoi, vous mâchez en fait. Vous pouvez aller chercher des voix graves, des voix plus aiguës comme ça. Alors maintenant, c'est juste des sons à voix parlée. Sur le son A, vous en faites juste quelques-uns parce que ça micle beaucoup. Quand on n'est pas habitué, ça peut faire des... Enfin, faut pas se fatiguer. A. A. A. A. A. A. A. A. Pareil, mais dans l'aiguille. Et le dernier truc, là c'est un peu tout le corps. Vous imaginez que vous prenez une douche mais glaciale et en fait. Ouais. Et ça lui bien la voix. Allez-y. Voilà. C'est bon. Du coup, c'est bon pour la chute? Ouais, c'est bon là. Ok, super. On prend peut-être un tout petit peu notre respiration. Une fois qu'on a repris notre respiration, est-ce que vous êtes d'accord donc pour faire chacune à tour de rôle un cri d'animal de notre choix? Comme tu l'as précisé Thomas, ça peut être complètement imaginaire, random, que ce soit animaloïde quoi en gros. Chacun fait son cri, ça peut être hyper bref ou plus long. Vous pouvez accompagner de gestuels ou de postures si vous avez besoin, c'est pas nécessaire non plus. Je vais essayer de me lancer. Je pense qu'on va faire 3 cris d'animaux chacun. Allez. Allez. Allez. Yeah. Ok. Du coup, deuxième cycle, si vous êtes d'accord. Un petit peu de souffle, tu vas faire le jam final tous ensemble, n'importe quoi. Oh. Tiens, ouais, il y avait des bruits super crédibles. Quoi. Merci à vous. Bravo à vous. Bravo. C'est là où je me rends compte que j'y connais rien en animaux. Mais rien. C'est pas grave, parce qu'en fait ça marche. Moi au-delà du chat. C'est vrai que ça manquait de Matou tout mini. Ouais. Le chat ou le chien. Bah il y a des moments, bah, en fait c'est de l'interprétation. Moi j'ai cru entendre des chiens ou des choses comme ça. Et je pense que j'ai cru entendre des chats. En fait quand il y a le monde qui parle dans le allaitement, il y a une gorge qui peut en placer pas mal. Mais là j'ai... Enfin, je sais pas comment vous vous sentez. Ça vous a intéressé. Ah ouais, c'est cool. Hein. En plus, faire ça ici, quoi. Quand on fond sonore, t'as les trucs. Non, mais moi, j'ai découvert. Si, si, si. Tu vois, j'ai découvert que je pouvais enrichir ma palette, quoi. Là, vous me faites découvrir des sons. Comment ? J'ai découvert que je pouvais enrichir ma palette, alors que j'ai fait tout le temps depuis longtemps, j'ai dit, quoi. Mais qu'il y a vraiment des choses à faire, et notamment en ne cherchant pas forcément à imiter un vrai animal. J'ai trouvé que mieux on se forçait, mieux ça va faire. Je trouve que c'était finalement crédible, enfin, je sais pas comment dire, il y a presque... Authentique quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est que primal, quoi. Si on cherche à imiter un animal qu'on connaît, on est dans une représentation. Mmh. Alors que si on cherche juste à exprimer ce qui nous traverse, on trouve un peu des nouveaux sons. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait une sorte de... J'ai senti... ouais, chercher une émotion, un dialogue, c'est-à-dire que... C'était l'animal qui s'exprime, mais pas pour rien en fait, il y a quelque chose quoi. Et du coup c'est vachement intéressant d'essayer de comprendre l'histoire qu'il y a derrière, puis aussi de se flipper. Enfin, moi je trouvais qu'il y avait des moments immersifs, je me suis imaginé en train de bivouaquer dans la forêt de nuit et entendre ça, je me dis oh putain, j'ai peut-être sur l'autre zone. Marchez vite. Plus de bois dans le feu. Ouais. Oui, mais à nouveau, c'est pas une bonne idée. J'avais vraiment le truc de ne pas savoir ce que j'allais produire, lancer un son, l'écouter pour dire et du coup, bon, c'est quoi l'émotion qui va avec et du coup, essayer d'accompagner. Mais c'est vraiment en mode bon, bah saute et puis après tu verras ce qu'il y a là, quoi, ce qu'il y a là-bas. Puis je sais pas vous, mais ça réveille en fait, en dehors du mental, ça réveille des sensations. On va pas forcément les associer à quelque chose qu'on vit ou qu'on connaît en tant qu'être humain. Mmh. C'est tout le côté tactile, quoi, le côté physique, puis ça bouge pour faire autre chose d'habitude, c'est agréable. Ouais, ouais, ouais. Pas socialement acceptable, mais c'est agréable. Est-ce que tout le monde a pu se désaltérer Essayer de faire juste du bruit en mangeant, c'est ouais, clair. Ouais, c'est ça. Quoi. On n'a pas été dans les sons aspirés aussi, mais c'est assez intéressant. Ah oui. Oui, bah on, il y aurait plus plein de choses, mais... Ok. Bah si vous voulez, on peut remarcher un peu, trouver un autre site. Je sais que vous aviez repéré quelque chose d'intéressant là, bah, on peut déjà s'en rapprocher. Voir ouais, bah il y avait des gros bouts de bois, je sais pas si c'est praticable, mais c'était un peu en semi-tas. On repère quoi.